Je peux plus rester en place. Je vois les gens construire leur vie, moi je fais du sur place. J'ai jamais vu le marchand de sable. Je dors plus la nuit, j'ai envie de faire du sale. La vie est belle, mon cul m'appelle. Pour être heureux, faut plus que de l'oseille. Elle me rend fou, elle me rend dingo. Pour l'assumer, faudra gagner au loto. Je suis en stress, mon Dieu, quand est-ce que le bonheur va me sourire, je suis HS. Je me dis tous les jours, je bois sans cesse. J'attends que le soleil se lève ce soir, je m'oublie. Les chances ne sont pas les mêmes. Pourquoi j'ai l'impression de tomber dans le vide? J'aurais tout donné pour avoir une autre vie. On me regarde étrangement, je fais peur même à maman. Dans ce monde matérialiste, on te respecte quand t'as de l'argent. Elle lit dans mon visage, elle sait quand je mens. Y'a toujours le cordon, c'est comme si elle mangeait quand je mange. Ce soir je m'oublie, faut que je prenne le large. J'ai envie de tout niquer, retiens-moi si